Ouais, si, pour du chérien, quoi. Je m'appelle Christian. Ben, j'ai un CAP au niveau d'études. Sans problème, je parle bien à cause de mes collègues, de mes potes que j'ai reçus ici, quoi. Ben, normalement, maintenant, mon CAP, c'est EI, électricité d'équipement industriel. Mais c'est pas valable ici, quoi. Ils connaissent pas. Alors, pour l'instant, j'ai travaillé comme pêcheur. J'étais pêcheur. Et maintenant, comme j'ai un préavisé un peu, je travaille comme gardien, quoi, sécurité. Normalement, la ville, elle est bonne, pas de problème, puisque je suis né là, j'ai vécu ici, jamais parti en France, mais la France, c'est ma rêve, quoi. D'y aller là-bas, parce que j'ai de la famille là, parce que toute la famille de moi, mes avant-parents, tout, ils ont laissé ici, quoi. Ben, je travaillais avec des Français comme vous, ben, pour les trucs de tsunami, quoi. Hein? Ben, normalement, c'est que j'ai vu je faisais l'interprète, quoi. Hein? En ce cas-là, ben, on a travaillé de Pondichéry jusqu'à Caracal. Ben, ça fait 170 km d'ici, quoi. On a travaillé tout le long. Ben, ce que j'ai reçu des nouvelles, ben, normalement, tout l'argent s'était pas mis en cas de tsunami, quoi. Pour la tsunami, quoi. C'était capté par les gens, quoi. Par les officiers, officiellement, par les gars de gouvernement, des trucs comme ça, quoi. Ben, ils ont construit des maisons, tout, ok, ben, c'est pas nickel. Il y a déjà des cracks, quoi, dans les maisons. Ben alors, si vous voyez comme ça, il y en a encore dans la Banque mondiale, plein d'argent pour la tsunami. Mais ici, les gens qui sont dans la politique et du gouvernemental, ben, ils sont mal, quoi. Carrément mal. Ils captent la trois quarts d'argent avec eux, dans leur poche. Et il y en a un quart d'argent qui vient ici, quoi. Et je peux dire une autre chose aussi, ben, y en a des gars qui ont déjà reçu de l'argent par l'État, ben, ils veulent encore, quoi. C'est ça le problème, quoi. Ils ne veulent pas distribuer aux autres, quoi. Ben, normalement, à Pondy, je ne peux pas dire que c'est pas touché beaucoup, quoi. C'est pas touché beaucoup, on a pas eu beaucoup de morts, quoi, là, quoi. Mais à Chennai, ben, à Tamil Nadu, ok. À Caracal, carrément, c'était touché, je crois. Parce que c'est un territoire de Pondichéry, quoi, celle-là, quoi. C'était bien touché, quoi, celle-là, quoi. Ils vont mettre le statut et ensuite... Ah non, à Pondichéry, il n'y a pas plein de morts, quoi. Il y avait une trentaine, une cinquantaine, c'est tout. Mais ailleurs, en Tamil Nadu, c'était beaucoup, quoi. À Caracal, il y avait aussi beaucoup. À Devanampatnam, si on calcule, il y en a beaucoup, hein. Tayanguda, Devanampatnam, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup. Ah ouais, j'étais en bateau. Et là-bas, j'étais dans la mer, quoi. Si j'étais revenu, c'est foutu, quoi. Ah ben, on a senti un peu. Ben alors, on est resté, quoi. On est parti un peu là-haut, quoi. C'est là que... Ben, disons que... La mer... Elle était descendue 500 mètres comme ça. Et ensuite, quand elle revenait, c'était comme on dit dans la Bible, quoi. Ben, de Pharaon, tu vois, quand il était, quand il voulait capter les Israéliens, quoi. Quand la mer s'était coulée comme ça, quoi. C'est comme ça, quoi. Il y avait de l'eau qui est passée là-dedans. Ben, on n'avait pas tellement de problèmes, quoi. Mais mes sœurs, ben, il y en a des familles, quoi. Mes familles, quoi. Ils ont souffert beaucoup, quoi.